cher Bola, il n'y a rien entre nous, cher Bola. Sur quatre genoux, j'en prie des dieux et des déesses et des cupidons et de la tendresse, même de la pitié, cher Bola. Vous êtes si vous, je suis si moi, ah, cher Bola. Comment on est comme vous, pourquoi on est comme moi, un peu comme ça, toujours au bord, lucide et déjà mort, cher Bola. Je vous donnerai tout, vous ne voulez rien, cher Bola. Y'a définitivement rien à faire, c'est bête comme c'est des fois, quand tout s'éclaire, êtes-vous nuancé, cher Bola. J'suis tout moisi, j'suis chocolat, ah, cher Bola. Juste un baiser, après j'm'en vais pleurer avec les crocodiles, les sols et les méduses.